le vaste monde. Où faut-il qu'on aille pour changer de paille? Et l'on est le feu. À moins qu'il ne faille, si l'on est la paille. Fuir avec le feu. Car la paille est si tendre que vouloir l'étendre tendra le feu. Contente d'éteindre la barque à la mare dort, si mort des mares, dans l'ombre qui mue. Dans le vaste monde, feuillards et ramures, la fraîcheur murmure. Rien ne remue dans le vaste. Sauf une main lasse, un instant déplace. La rame qui glisse sur les cailloux lisses, jamais plus tard tu reviens par ce pays jonché de pierres. Si jamais tu revois un soir les îles que fait la rivière. Si tu retrouves dans l'été les bras noirs qu'ont ici les nuits. Et si tu n'es pas seul alors, dis-lui de s'écarter. Le temps de renouer ce vieux songe illusoire, puis fait porter le mot amour et le reste au brisoir dans le vaste monde. Vaste monde. fragile, indispensable, comme la plupart des choses indispensables sont fragiles. Thank you, my friend. Oh là là. Putain, tu m'inspires grave, hein, franchement. Vai dele, se a vai dele, daí da o do mar, daí da o do vai dele, toma, Once upon a time in the Sud-Ouest. Deux irréductibles. Des fous. Des dingues. Vraiment. Érudible, vraiment. Ça fait vraiment plaisir. We are wide, Tim. On cherche. On espère. See a fine day. Au pied du volcan, convoquant toutes les langues, tous les sentiments. J'aime. Moi aussi. Oh, mais j'avais ma place, non. La pluie. Paris of a poise and a body your son. Cabrier. C'est nous les plus forts. Le beau temps. Même la pluie qui tombe sur ma gueule ne m'arrête pas. ne m'arrêtera jamais. Car au contraire, les conditions extrêmes me stimulent. Mais tu fais connaissance dernièrement d'un jeune Afghan qui a traversé le Proche-Orient, la lointaine Europe, la proche Europe, à pied, dans le froid, 6 mois. Pour fuir les talibans. Tout laisser derrière lui. Tout abandonner. Parti avec quelques amis, mais certains arrêtés. En Slovénie. Germanie, ah, c'est le seul qui est parvenu en France. Truc de fou, dingue. Ça te remet à ta place. 20 ans, 6 mois sur les routes. Pourchassé par toutes les polices. La joie des mecs, on en marre de se faire taxer une poule, 3 tomates, une courgette, on en est là, ouais. Faire partie d'une minorité, partir de loin, tout abandonner. D'autres la jettent, la rejettent. Putain, toi tu sais pas où partir en vacances, connard. Toi connasse, tu sais pas comment perdre du poids. Vas-y, marche pendant 6 mois. Dans la forêt, pour lui, c'est la jungle. Il appelle jungle toutes les forêts. La liberté. La chair de poule. Je suis pas sûr de vouloir savoir. Personne ne le protège sinon. Vouloir savoir. Vas-y laisse-moi là. Un cœur ouvert vers l'extérieur. Des gifles, des baffes. À n'importe quel moment, tu te les prends. Te remettre à ta place. C'est quoi ma place? À quoi je sers? liberté. Nous, c'est gagner d'avance, presque. Trop grosse responsabilité. S'appelle Alien. Alien est parti il y a 6 mois. Traverser non pas les océans, les forêts. Peut-être pas beaucoup mieux. Il a dit les Français, vous êtes. Vous êtes gentil, j'ai dit, pas tout le monde, chez toi. Pour lui, un choc, c'est critique. À travers l'Europe, des frontières, surtout si t'es réfugié. Il est méfiant. Tu m'étonnes. Pas savoir. Gratuit. Ne peut plus voir la beauté du monde. Je lui ai montré la forêt, c'est pas qu'une jungle, non. La forêt, il veut nager dans les torrents, comme en Afghanistan, de l'eau froide, de l'eau claire. Ok, m'a pas fait confiance. The gift, the death. Pas capable, amour gratuit, agapé. beauté. Revoir. D'espoir et de grâce. Il veut croire encore, retrouver sa famille, exploser Europe, espace Schengen. Once more the planet. Allez, allez. trauma multiple, sans parler du début. T'imagines tout lâcher, partir si loin, tellement c'est violent. Yeah, we need to restore our rhizomatic system.